Chapitre 107. L'Artois et la Picardie. Le siège de Calais. Le courage rend égaux les riches et les pauvres, les grands et les petits, dans la défense de la patrie. Julien, tournant la page de son livre, continua sa lecture. L'Artois et la Picardie sont comme la Flandre, des pays de plaine très fertiles, qui produisent en abondance le blé, le colza et le lin. Ces trois provinces industrieuses, placées en face de l'Angleterre, font aussi un grand commerce maritime. Par les ports de Boulogne et de Calais passent chaque année plus de 100 000 personnes se rendant d'Angleterre en France ou de France en Angleterre. Il y a 500 ans, le roi d'Angleterre, Édouard III, avait envahi la France et assiégé Calais. Les habitants, pendant une année entière, soutinrent vaillamment le siège. Mais les vivres vinrent à manquer, la famine était affreuse, il fallut se rendre. Le brave gouverneur de la ville, Jean de Vienne, fit dire au roi d'Angleterre que Calais se rendait et que tous ses habitants demandaient à quitter la ville. Le roi répondit qu'il ne les laisserait pas sortir, mais ferait tuer les plus pauvres et accorderait la vie aux riches au prix d'une forte rançon. Voici la belle réponse que lui fit alors Jean de Vienne. « Seigneur roi, nous avons tous combattu aussi loyalement les uns que les autres. Nous avons subi tous ensemble bien des misères. Mais nous en subirons de plus grandes encore, plutôt que de souffrir que le plus petit de la ville soit traité autrement que le plus grand d'entre nous. » Le roi furieux répondit qu'en ce cas, il les ferait tous pendre. Les chevaliers anglais réussirent pourtant à le calmer, un peu. Et il se contenta d'exiger que Calais lui livrât 6 bourgeois, parmi les notables, pour être mis à mort. Le gouverneur de la ville vint alors au marché pour annoncer la triste nouvelle. Il fit sonner la cloche. Au son de la cloche, hommes et femmes se réunirent pour l'entendre. Grande fut la consternation en apprenant l'arrêt du roi d'Angleterre. Tous se regardaient les uns les autres, se demandant quelles seraient parmi eux les 6 malheureuses victimes. Tout d'un coup, le plus riche bourgeois de la ville, Eustache de Saint-Pierre, se leva. Il s'avança vers le gouverneur, et d'une voix ferme, il se proposa le premier pour mourir. Aussitôt, 3 autres bourgeois imitent son noble exemple, et quand il ne reste plus que 2 victimes à choisir, tant d'habitants se proposent pour mourir et sauver leurs concitoyens que le gouverneur de la ville est obligé de tirer au sort. Ensuite, les 6 bourgeois partirent au camp anglais, en chemise, pieds nus, la corde au cou, portant les clés de la ville. Ils s'agenouillèrent devant le roi en lui tendant les clés. Il n'eut alors parmi les Anglais 6 vaillants hommes qui put s'empêcher de pleurer, en voyant le dévouement des 6 bourgeois. Seul le roi d'Angleterre, jetant sur eux un coup d'œil de haine, commanda que l'on coupât aussitôt leur tête. Tous les barons et chevaliers anglais versaient des larmes et demandaient de faire grâce, mais Édouard, grinçant des dents, s'écria « Qu'on fasse venir le coupe-tête !» Au même moment, la reine d'Angleterre arriva. Elle se jeta à 2 genoux aux pieds du roi, son époux. « Grâce, grâce » dit-elle, et elle pleurait à tel point qu'elle ne pouvait se soutenir. « Ah, gentil sire, je ne vous ai jamais rien demandé. Aujourd'hui, je vous le demande, pour l'amour de moi. Ayez pitié de ces 6 hommes. » Le roi garda le silence durant quelques moments, regardant sa femme agenouillée devant lui. « Ah, madame, dit-il, j'aimerais mieux que vous fussiez ailleurs qu'ici. » Enfin, il s'attendrit, et il accorda la grâce des 6 héros de Calais. Eustache de Saint-Pierre et les bourgeois de Calais. C'est en 1347 que le roi d'Angleterre réduisit à Mercy la ville de Calais. Cette ville ne fut enlevée aux Anglais qu'en 1553, par le duc de Guise. Calais a aujourd'hui 12 000 habitants. C'est une place forte de première classe.